شحال ما ضربت بلا تليفون شرينا حتى ونا سنين نكتو قاعدي وانا البطل ما غدناش وانا ويدك العلاني Quand on entre dans le salon, il est assez dépouillé. Le sol est en lino de HLM et il y a un minimum de meubles pour ne pas gêner la progression de ma grand-mère. Les objets du salon sont donc choisis avec soin et racontent une histoire si particulière qu'il faut que je vous les présente. Ce sont les acteurs de la vie de ma grand-mère. Son canapé, à gauche. Son buffet avec la télé en face du canapé. Son téléphone sur le buffet. Sa radio sur une chaise. Et au fond, la table sous la fenêtre, accompagnée de quelques chaises. C'est là qu'on boit le café. Souvent, des fruits ornent le centre de la table et sur la nappe en plastique. Commençons par le canapé. C'est l'endroit le plus important. Quand j'allais chez elle avec ma mère, et pour en avoir discuté avec mes cousins et cousines, nous sommes unanimes. La place préférée de chacun, c'était le canapé. Le canapé est indissociable dans mon souvenir de ma grand-mère. S'il était une personne, ce serait un vieux compagnon, un ami de la famille qui ferait partie des meubles. Une place prisée. Le canapé était particulier, et lorsqu'on cédait sa place sur le canapé, on faisait preuve d'une grandeur d'âme qui nous valait le respect. Et on était nombreux à se battre pour cette place. Dans les moments de faste familial, il y avait un noyau de 4 à 6 tantes, et leurs enfants, soit une quinzaine de personnes. Du coup, soit ça nous apprend à... This is Sparta! Soit à se serrer un peu plus les uns contre les autres. Ça a été plutôt la seconde option pour nous. Famille nombreuse, famille heureuse, quand on est frères. C'est le bonheur, on a le cœur, quand on est frères. Ce canapé, c'est une sorte d'artefact magique, un genre de tapis volant. Certes, le fantasme occidental en sera un petit peu ébranlé. Il était recouvert d'une couverture tissée provenance directe du bled. Il suffisait de s'asseoir dedans, confortablement aspiré par le moelleux molto, ou carrément de s'allonger quand il y avait moins de concurrence. Mémé récitait la formule et la magie opérait. Ce voyage en plein ciel, au pays du rêve bleu, ce rêve bleu. Nous étions tous transportés dans une douce torpeur, bercée par les histoires de Khalte Khadija. Parce que Mémé, en fait, ne s'appelait pas vraiment Mémé, évidemment. Mais elle ne s'appelait pas non plus Khalte Khadija, contrairement à ce que je comprenais du haut de l'enfance. Chez nous, on fait des distinctions lexicales. On dit « bonjour grand-mère maternelle » ou « je te présente ma tante du côté paternel » Khamte. Moi, je croyais que Khalte, ça faisait partie de son nom. En fait, ça veut juste dire grand-mère. Mon nom patronymique faisait partie de ceux qui avaient été attribués de façon arbitraire à nos grands-parents à la fin du 19e siècle par l'administration coloniale. Comme si ça suffisait pas, les gens l'appelaient Yamina. Khalte Yamina. Parce qu'au moment de l'administration coloniale, on lui a donné les papiers de sa sœur. On n'a pas su pendant très longtemps qui était vraiment sa date de naissance présumée. Comme elle n'arrive jamais à se retrouver avec notre système d'appellation, ils nous ont donné de nouveaux noms pour mieux nous repérer. Parce que même avec les papiers, en venant des montagnes reculées de la Kabylie, le temps de déclarer une naissance, le môme était déjà marié et avait lui-même des mômes. Dans le système traditionnel, nous possédions tous des chapelets de prénoms qui se suivent. Mohamed, Ben Ali, Ben Saïd, Ben Mohamed, Ben Saïd, Ben Ramadan, Ben Farid, Ben Abdelhamid, Ben Salim... Ma grand-mère est née en Algérie, en petite Kabylie plus précisément, officiellement en 1928, mais certainement née en 1925. Une fois que le même prénom revenait 2-3 fois dans la liste, les fonctionnaires français étaient saisis de vertige. Revenons au canapé. Ma mère venait le midi. Pour la pause, et il faisait parfois la sieste, en toute impunité, en faisant parfois mine d'écouter la conversation. Quand j'étais plus petite, ma mère rentrait le midi à la maison et s'endormait pour une sieste express devant Derrick. Assez rapidement, pour ne jamais avoir le temps de passer le générique. On peut dire que Mémé avait un pouvoir narratif plus fort que celui d'un téléfilm allemand. Vu que je me souviens de ses histoires à elle et que je me souviens d'aucun d'Eric. Je ne sais pas ce qu'est devenu ce canapé quand elle est morte. Mais j'ai une tendresse particulière pour tous ceux qui traversent ma route et m'offrent le confort de leurs bras. C'est dans ce canapé que j'ai entendu la plupart des histoires qui ont forgé mon imaginaire culturel. J'espère que dans vos fauteuils, pâle reconstitution, vous serez transportés. Et si vous vous endormez, je le prendrai comme un compliment. Quand j'allais chez ma mémé, elle parlait généralement à ma mère, dans un mélange savant de kabyle et de français. On comprenait rien. On émergeait seulement quand elle s'adressait directement à nous en français. Ma grand-mère parlait très très bien le kabyle, évidemment. Le français aussi, l'arabe et le berbère. Sûrement qu'elle avait même des mots de portugais enfouis, mais elle ne savait ni lire ni écrire. Enfin, je me dis qu'elle parlait très bien. Elle parlait avec l'accent, quoi. C'était ma mère. Pour moi, ça n'a jamais été compliqué de comprendre. Mais maintenant que je réécoute les enregistrements, je me dis qu'effectivement, elle parlait une langue propre aux immigrés, qu'il fallait parfois traduire pour les Français autour de nous. Souvent, elle parlait en kabyle et faisait des interjections en français. C'est vrai ou non ? Oui, parfois, elle passait d'une langue à l'autre, au détour d'une phrase. Parfois, des mots de français émergeaient dans du kabyle, comme une acculturation linguistique. La bombe atomique, c'est pas des trafics, c'est une chose magnifique, ça vient de l'Amérique. À moi. La bombe aux jeunes. Et fabriquer aussi avec l'américain, ça vient de l'Amérique, ils vont verser sur l'Africain. Bravo. Nous avions un jeu avec ma mère et mon frère, nous qui parlions si mal le kabyle. Comment on dit un âne en kabyle? Arioul. Comment on dit du pain en kabyle? Arlo motagine. Comment on dit électricité en kabyle? Electricity. C'est comme les journalistes qui me disent « Oui, vous n'avez pas l'impression dans votre nouveau spectacle de renier un peu vos origines ?» Je dis « Non, pourquoi ?» On me dit « Parce que vous parlez normalement. » Tu crois, toute ma vie, je parlais comme ça, hein? C'était un film, madame, hein? Tu crois, je venais en France, j'ai fait une cure de 10 intoxications de moi-même ou quoi? Cela dit, ça serait drôle s'il y avait des cures pour que les mecs, ils perdent leur accent, qui renie leurs origines. Ce serait triste, mais ce serait assez drôle de voir comment ça se passerait, tu sais.